Un temps pour soi, méditer avec Valentine. Le podcast qui vous offre un moment à vous, rien qu'à vous, dans un monde qui va parfois trop vite. Mon nom est Valentine Resserre et je suis honorée de vous accueillir ici chaque semaine. Que cet espace soit votre refuge, votre tanière, notre sanctuaire. Bonne écoute. Bonjour à vous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Un temps pour soi. Aujourd'hui, je vous offre une méditation à emporter partout avec vous pour les moments où vous sentirez que votre mental est très actif, voire surstimulé, pour les fois où vous aurez l'impression que vos pensées sont éparpillées autour de vous. Donc c'est une respiration alliée à une visualisation qui va vous permettre vraiment de vous recentrer en quelques minutes. Alors installez-vous, que ce soit debout ou assis, et commençons. Dans votre posture de méditation préférée, je vous invite chaleureusement à prendre un instant pour vous sentir exister dans l'espace où vous êtes. Donc cela se fait vraiment très facilement juste en observant ce qui vous entoure. Donc, utilisez votre regard, observez les couleurs, les différents éléments qui sont autour de vous. Ressentez la texture des vêtements sur votre peau. Puis imaginez que votre attention peut se déposer de façon un peu plus subtile à l'intérieur de vous. Ce qui vous permet alors d'accueillir ce moment-là, le cœur grand ouvert. Si cela est votre choix aujourd'hui, laissez alors les paupières se fermer d'elles-mêmes. Votre colonne vertébrale, comme toujours, est la plus longue possible. La poitrine dégagée. Les traits du visage doux et reposés. Et tout de suite, prenons une grande respiration ensemble afin d'arriver encore plus profondément dans ce moment-là. Par les deux narines, grande inspiration. Par la bouche, expirez. Gardez la mâchoire détendue à présent. Déposez votre attention sur la respiration. Cela signifie que vous observez les aléas de votre souffle dans votre corps, son va-et-vient, sans vouloir modifier quoi que ce soit. Juste quelques secondes. Quelques secondes qui font la différence déjà. Et alors que vous êtes là, ici et maintenant, avec moi, imaginez votre corps qui trouve du réconfort dans cette immobilité de la posture. Et alors que votre corps est immobile, peut-être observez-vous, en vous, autour de vous, un flot de pensées, un flot d'images qui tourbillonne en vous ou autour de vous. Imaginez que vous pouvez voir comme des lambeaux de lumière ou même des mots distincts qui tournent autour de votre tête, autour de vous et qui représentent toutes ces pensées qui vous habitent en ce moment, qui vous submergent peut-être. Et dans ce tourbillon, vous continuez à respirer. À respirer en ayant conscience que tout cela est normal et tout à fait correct, car vous êtes un être humain et de ce fait, vous êtes fait pour penser, n'est-ce pas? Donc même si les pensées tourbillonnent autour de vous, vous continuez à respirer. Et peu à peu, ces respirations vous aident à accepter cet état-là. Une inspire et une expire à la fois. Ensemble, nous allons venir apaiser ce flot, ce tourbillon. Simplement pour nous offrir une chance de naviguer un peu plus aisément dans le reste de notre journée, notre soirée. Si vous le désirez, vous pouvez poser vos mains juste au-dessus du nombril, au niveau de l'abdomen. Ressentez le souffle qui navigue à cet endroit-là, dans votre centre. Ce souffle qu'à présent nous allongeons de façon consciente et volontaire, toujours en faisant de votre mieux. Terminez votre prochaine expiration en expulsant tout l'air qui est encore présent. Inspirez le plus lentement possible et imaginez que vous allez chercher autour de vous des lambeaux de pensée qui tourbillonnent, qui sont présentes. Et à l'expiration, ramenez tout cela dans votre centre, rassemblez toutes ces énergies en votre centre. À nouveau à l'inspiration profonde par les deux narines, allez chercher un peu plus de ces mots, de ces phrases qui sont là. Expirez, rassemblez tout ce qui est éparpillé au centre de votre corps. Encore trois fois, inspiration. Rassemblez. Expirez, ramenez tout cela dans votre centre. Peu à peu, de plus en plus d'espace se crée autour de vous. Inspirez profondément. Ramenez vos pensées au centre. Expirez. Dernière fois, inspiration. Expiration, rassemblée dans votre centre. Visualisez votre centre sous vos mains si vos mains sont toujours là. Inspirez dans votre centre. Expirez et restez là. Sentez que tout continue à se rassembler ici. Comme une boule lumineuse qui devient plus solide. À nouveau, inspirez à votre rythme. Expirez à votre rythme. en vous concentrant sur cette zone-là pour les prochaines respirations. Imaginez que tout autour de vous, l'air est devenu plus fluide. Imaginez l'espace qui s'est désengorgé. Il y a peut-être encore quelques pensées qui virevoltent ici et là, mais qui à présent sont très éparses. Tout autour de vous semble plus calme, plus clair. Et votre centre devient plus sûr, plus fort, plus enraciné. C'est comme si un brouillard se levait pour faire place à l'éclaircie. Votre centre, que l'on compare souvent au soleil intérieur, resplendit. Et dans cette nouvelle clarté, quand vous êtes prêt, quand vous êtes prête, offrez-vous la plus grande et la plus belle des inspirations. Et cette fois-ci, expirez par la bouche, complètement. Laissez les bras retomber le long du corps ou bien les mains se déposer sur les cuisses ou les genoux. Restez quelques secondes avec les sensations présentes en ce moment. Imaginez que vous pouvez ressentir un peu plus de clarté mentale. Et lorsque vous ouvrirez les yeux, si les yeux étaient fermés, cette clarté-là va vous accompagner. Et vous savez qu'à tout moment, vous pouvez revenir à cette méditation, fermer les yeux, prendre une inspiration pour rassembler vos pensées, une expire pour ancrer toutes ces pensées-là en votre centre et avancer à nouveau, plus serein, plus sereine. Prenez tout votre temps. Merci d'avoir été là et merci pour votre confiance. À bientôt.